Exercice 6, page 80. A. Il n'en peut plus. B. Il en veut plus. C. Ils sont sûrs d'eux. D. Quelle belle jupe bleue. E. Il a peur d'eux. F. Il faut 9 œufs.